J'ai, en tant que vice-présidente des Bretons de Marrakech, il y a quelques années, lors de la parution du film Cheval d'orgueil, nous avons reçu Jacques Elias. Et bon, j'aurais pas pensé qu'il était aussi diplômé. Bon. Mais ah bon, je voulais savoir, on a eu aussi à l'Institut français à l'époque, c'était dans la visite du directeur des arts et traditions populaires. Moi-même, j'ai un certificat d'ethnologie. Mm-hmm. J'ai Cuisinier, eu en, monsieur. En 48. Jean Cuisinier. Comment ? Jean Cuisinier. Jean Rouche, enfin, du temps où Jean Rouche était assistant au Musée de l'Homme. Et non, mais le directeur du Musée des arts et traditions populaires. Oui, il s'appelait comment ? C'était Jean Cuisinier, non ? Oui, il est venu à Marrakech, à l'Institut français, et il nous a dit qu'il n'avait pas mené une première enquête avant Edgar Morin, parce qu'il a dit qu'Edgar Morin avait été très mal accueilli à Plaisévet. Ben oui, ils en avaient un peu marre d'être interrogés sans arrêt. Et pourquoi il a écrit ce livre avec Plaudet Met comme titre ? Ben parce que justement, à son époque, moi j'ai mis Plaisévet parce que quand mon livre est paru, c'était un peu effectivement connu comme le loup blanc, il y avait plus, c'était ridicule de déguiser, etc. Mais il y avait, à l'époque, il y avait un principe qu'il fallait déguiser. Jusqu'ici, c'était d'ailleurs un principe qui avait été utilisé pour toutes les monographies. Nouville de Bernaud et Blancard, c'est pas Nouville. Donc, oui. Il y avait qu'il faut protéger une certaine intimité des gens, etc. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas du tout le point de vue de la municipalité. Au contraire, oui. Ils attendaient que ça fasse un peu de la publicité à Plaisévet. Mais c'est pour ça qu'il avait pris Plaudet-Met. Alors, oui. Effectivement, ça fait fauner. Bon. Oui. Oui. Et ça, je crois que, de même, il a déguisé les noms. Donc, on pouvait très bien mettre Monsieur X, etc. Oui. Mais je crois que lui avait inventé d'autres noms. Toujours pour le même principe. Mais c'est devenu un sport local, c'est qu'on s'amusait à essayer de découvrir qui était un tel. Mais c'était à l'époque du remembrement. C'était vers la fin du remembrement, oui. Le remembrement s'est fait pendant l'enquête. Alors ça m'intéresse aussi de savoir, il y a eu une enquête sur l'Aubrac. Oui. Par qui ? Ça a été dirigé par Georges-Henri Rivière. Oui. Et toute une équipe de mais parce c'était que... surtout géographique et ethnographique. Alors. Oui, parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui. J'ai passé toutes mes vacances pendant la guerre dans l'Aubrac, à l'Aïeul. Oui. J'ai trouvé la race de vaches de l'Aubrac. Oui. C'est la même que la race Zayan au Maroc. Oui. Oui. Et les fermiers voisins s'appelaient Bouledouar, le père du village. Uh-huh. Bon, des noms marocains. Je pense que la conquête de la France par les Maures, ils ont dû s'arrêter dans ce pays. Non, c'est peut-être plus récent. Moi, je ne pense pas. Écoutez, non, ça remonte à loin. Vais être obligé de parler aussi donc d'un souvenir personnel. Je sais que mon arrière-grand-père, du côté de ma grand-mère, le père de ma grand-mère, qui était de l'Aubrac et qui était paysan, était parti en Afrique du Nord. Pas dans son service militaire, il y avait une forme pour un stage, pour acclimater. Et donc, lui, c'était en Algérie, mais il est possible qu'il y ait eu la même chose et qu'on ait introduit à cette époque-là la race Aubrac. Non, je ne pense pas. Parce que c'est très ancien, beaucoup plus ancien que ça. Et j'ai cherché dans l'annuaire, j'ai trouvé des noms à consonance. C'est possible. Enfin, les races bovines bougent très vite. Oui, mais non, là, les vaches d'Aubrac,